En Corée du Sud, des pièces probantes sont découvertes pour accuser des crimes de la traîtresse Bakounet, auteur des scandales. Incarné Dan Jong-bom, ex-secrétaire responsable de la Maison Bleue, chargé de la coordination politique, un des acteurs importants de l'affaire, comprend de telles preuves qui dévoileront sans réserve des crimes de Bakounet.